Vous êtes en compagnie de Simon Roy. Merci d'être là. Ça fait toujours plaisir d'être entre vos deux oreilles. Donc, comme à l'habitude, je vous ai sélectionné quelques pièces que j'ai trouvées sur Internet, la musique que vous pouvez télécharger gratuitement. Donc, gênez-vous pas, venez faire un petit tour sur le blog de l'émission. C'est au www.webmusique.org. Le web s'écrit O-U-E-B-E. Donc, c'est ça, venez faire un tour, télécharger la musique qu'il y a sur le blog, partagez-la avec vos amis, votre famille, c'est là pour ça. On va débuter cette semaine avec un nouvel album qui est sorti sur l'excellente étiquette Dusted Wax Kingdom. L'artiste s'appelle Bears in the Attic. Si vous préférez des ours dans le grenier, j'adore le nom de cet artiste-là. Donc, je vous fais passer la pièce Ain't No Thing. Donc, Bears in the Attic, c'est un artiste qui vient de Sheffield, en Angleterre. Puis ensuite de ça, de la Russie, on va entendre Hugo Boy, la pièce Héliopause. Ça se retrouve sur le net label Shuffle Brain. Donc, c'est ça, on va débuter tout de suite. Je vous invite à mettre la musique dans le piton. L'émission est pas mal meilleure comme ça. Donc, on débute tout de suite avec Bears in the Attic. We'll be right back.

de la Russie, vous venez tout juste d'entendre Yugo Boy avec sa pièce Heliopause. C'était sur le net label Shuffle Brain, net label qui nous vient de la Russie. On avait débuté Web Music avec un artiste de Sheffield en Angleterre du nom de Bears in the Attic. C'était la pièce Ain't No Thing. Donc ça se retrouvait sur le net label Dusted Wax Kingdom, un net label que j'adore. Ils sont situés en Bulgarie. On va poursuivre l'émission avec un artiste qui vient de la Latvie, la ville de Riga plus particulièrement. Il s'appelle Synthetic Violence. Je vous fais passer sa pièce Impression 4. Ça se retrouve sur le netlabel Section 27, un excellent netlabel qui vient de l'Écosse. Puis ça va être suivi par Ektra. La pièce Los Muertos, La Dan Drusimo, c'est donc Ektra, et on fait un album vraiment pété qui s'appelle Zombie Raver. C'est un genre d'album qui s'inspire de l'ambiance des films d'horreur avec zombies, donc c'est assez intéressant. Ça se retrouve sur le netlabel Audiovisual Terrorem. C'est un netlabel qui vient de l'Espagne. Donc, c'est ça, on écoute tout de suite Synthetic Violence avec sa pièce Impression 4. We'll be right back. Vous venez tout juste d'entendre une pièce du trio Ektra. La pièce s'appelle Los Muertos, la Dan Dursimo. Donc, ça se retrouve sur leur album Zombie Raver, un album hommage au film de Zombie. Avant ça, c'était Synthetic Violence, la pièce Impression 4. Synthetic Violence, un groupe qui vient de la ville de Riga, en Latvie. Ça, c'était sur le Netlabel Section 27, un Netlabel qui vient de l'Écosse. Donc, ben, c'est ça, vous êtes toujours à l'antenne de CKRL. Vous écoutez l'émission Web Musique. Puis, j'ai une autre pièce à vous présenter avant de faire une petite pause. La pièce est d'un artiste français qui s'appelle Tep. Il a refait une version du jeu Doom, donc la trame sonore, mais version acoustique. C'est sur l'étiquette Prout Records. C'est assez intéressant. Ils ont fait un projet, donc ils ont fait un appel aux artistes pour qu'ils présentent des pièces, des covers de jeux vidéo, mais version acoustique. Cette pièce-là, malheureusement, ne se retrouvera pas sur la compilation, mais la pièce est vraiment excellente. Donc, vous allez entendre ça tout de suite, la pièce Doom par Tep. On va aller faire une petite pause après, puis je vous reviens. Avec CKRL 89.1 présente les spectacles du Radioton. Les 16 et 17 avril, une grande session du rythme au profit de ta radio. Deux soirées pour t'engager tout en musique. Le cercle 228 Saint-Joseph-Est, le trait d'union cercle.ca. Télé-Québec investit dans l'éducation et la culture. Cette année, elle investit aussi à CKRL, la radio culturelle de Québec. Télé-Québec. À l'image de la programmation relevée de Télé-Québec, le 89.1 vous propose trois journées spéciales dans le cadre de son 29e Radioton. Un rendez-vous culturel axé sur les musiques d'ici, avec plusieurs invités de marque et une foule d'activités pour toute la famille. Du 16 au 18 avril prochain, investis ta radio. Du 7 au 11 avril, CKRL s'installe au Salon du Livre de Québec et feuillette avec vous les pages de l'un des événements culturels majeurs de la capitale. De 11h30 à 13h, Raymond Poirier, Tania Beaumont et Olivia Vu reçoivent un florilège d'invités artisans du paysage littéraire d'ici et d'ailleurs. Pour tout connaître de l'actualité du Salon et du merveilleux monde de l'édition, branchez-vous sur le 89.1 et bénéficiez des conseils éclairés de notre équipe de chroniqueurs chevronnés. Des rendez-vous culturels à ne pas manquer à CKRL, votre radio culturelle. Le Radioton 2010 de CKRL arrive à grands pas et Sillon le disquaire décide d'investir et de s'investir. Le réputé disquaire indépendant de Québec offre la chance de gagner un bon d'achat d'une valeur de 300 $ à tous ceux et celles qui auront fait un don d'un minimum de 10 $ avant le vendredi 16 avril, 16h. Votre radio en faisant un don sur sillon.com ou en appelant à la réception du 89.1 au 418 640 2575. nouvelles, c'est le Radioton de CKRL, la radio culturelle à Québec. De retour à Web Music, vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy. Donc, avant la pause, on entendait un cover de la trame sonore du jeu Doom. C'est par le français TEP. Ça se retrouve sur l'étiquette Prout Records. Donc, malheureusement, c'était supposé d'être sur une compilation qui faisait des covers de jeux vidéo, mais façon acoustique. Mais d'après ce que je peux comprendre, malheureusement, la pièce ne sera pas incluse. Donc, c'est peut-être... Ça serait peut-être à changer. J'implore les gens de Prout Records d'inclure cette pièce-là. Elle est tellement bonne. Donc, on va poursuivre l'émission avec un artiste qui vient de Santiago, au Chili. Son nom est Tono Sepia. Je vous fais passer la pièce Parlante al Curry. C'est sur le netlabel Modismo. Puis ensuite de ça, sur un netlabel qui vient de l'Autriche du nom de Laridé. Je vous fais passer un groupe autrichien, donc, qui s'appelle Winterphonic. Je vous fais passer la pièce Feedback. Vous allez voir, c'est très bon. Donc, c'est ça, on écoute tout de suite Tono Sepia. Oh, Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une belle découverte. Donc, le groupe autrichien Winterphonic, c'était la pièce Feedback. Ça se retrouve sur le netlabel Larry Day. Avant ça, ben, c'était Tono Sepia, la pièce Parlante al Curé. C'est sur l'étiquette Modismo. Une excellente étiquette que j'ai découvert aujourd'hui. Je vais creuser un peu plus. Ils ont l'air d'avoir des trucs vraiment intéressants. Donc, on va poursuivre avec un artiste russe du nom de Nick R. 61. Je vous fais passer deux pièces qui se retrouvent sur son album Taking Care of Business, un excellent album que je vous invite à télécharger. C'est bon d'un bout à l'autre. Vous allez voir, c'est assez spécial comme musique. On va débuter avec la pièce Curry equals Curcuma, puis ça va être suivi par la pièce Amsterdam Respect Acquaintance to Stewardess. Donc, c'est ça. Comme je vous disais, l'album s'appelle Taking Care of Business. L'artiste s'appelle Nick R. 61. We'll be right back. Vous venez tout juste d'entendre la pièce Amsterdam Respect Acquaintance to a Stewardess. Donc, c'était par l'artiste russe Nick R. 61. Avant ça, c'était une autre pièce du même artiste. Donc, la pièce s'appelle Curry Equals Curcuma. Donc, deux pièces qui se retrouvent sur l'album Taking Care of Business. C'était sur le netlabel Fusion Netlabel. On va poursuivre Web Music avec une dernière pièce qui est quand même assez longue. Vous allez voir, c'est vraiment bon. C'est par un artiste suisse du nom de Dadiv. Je vous fais passer la pièce Jazz Pomade. C'est sur le netlabel qui vient de la ville de Lausanne en Suisse. Le netlabel s'appelle Scare Moments. Vous allez voir, c'est vraiment bon. Une pièce quand même assez longue. Je vous reviens tout de suite après. We'll be right back. Vous venez tout juste d'entendre la pièce Jazz Pommade, c'est par l'artiste suisse Dadiv, c'était sur le net label Scare Moments. Donc, ben, ça va déjà être tout pour Web Music. Je vais vous inviter à venir la semaine prochaine à écouter le CKRL, voyons, excusez-moi, le Radioton de CKRL. Donc, ça va être une grosse fin de semaine de radio. Vous allez voir, je pense qu'on vous a préparé un beau programme pour cette fin de semaine-là. Donc, ça va être à écouter. Puis, ben c'est ça, l'émission Web Musique n'aura sûrement pas lieu la semaine prochaine. Ça va être la semaine d'après. D'ici là, ben, vous pouvez toujours suivre l'émission sur Twitter ou aller faire un petit tour sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Donc, ben c'est ça, je vais vous laisser sur une sélection musicale de Daniel Marcoux, puis je vais vous souhaiter une bonne semaine sur les ondes de CKRL. Bonne nuit. On investit dans la bourse, dans sa carrière, dans sa vie amoureuse et dans la culture. On a 8 lettres à vous dire. CKRL. La radio culturelle de Québec vous propose d'investir en elle. Tout ce que vous cherchez sous un même toit virtuel. 89. C'est un miracle. Du 16 au 18 avril, c'est le Radioton, organisé au profit de la première radio communautaire francophone d'Amérique du Nord. Pour l'occasion, les artisans de la station vous proposent 3 jours de festivités. Raymond, mon amour, reviens à la vie. Ils sont là pour nous appuyer. Nous sommes sauvés. Une programmation spéciale, des invités de marque et une foule d'activités qui vous donneront des ailes et la folle envie d'investir dans votre radio. 89. Du 16 au 18 avril, investis ta radio. Heureusement que nos auditeurs nous sont fidèles. La Caisse d'économie solidaire des Jardins vous invite à ne rien manquer de la journée d'ouverture du Radioton 2010 de CKRL. Au programme, dès 7h, Sylvia Baudry et Gérard Deltel. Plat d'amour pour Damien Robitaille à 10h. L'atelier, une fenêtre sur l'univers des métiers d'art à 11h30. Dès 16h, Christiane Gagnon, députée de Québec, donne le coup d'envoi du Radioton. 3 heures de radio investie avec une foule d'invités et des prestations en direct de Millimétrique et Jamil. Dans le cadre de son 29e Radioton, CKRL investit la rue. Le 17 avril, à l'angle de la 4e et de la 6e rue, le 89.1 vous propose un jour de fête. Au programme, performance musicale, séance de signature avec Michael, Théo et Dali, de l'émission Tactique de Télé-Québec, mur d'escalade, cabane à sucre, exposition en art visuel, kiosque de commerçants, sans oublier le kiosque de CKRL, d'où seront diffusées des émissions en direct. Programmation complète disponible au www.montlimoilou.com/jour-de-fête. Le 17 avril, investis la rue et ta radio. Après avoir solidement investi dans sa passion des découvertes musicales, Sillon investit dans la radio culturelle de Québec en s'associant au 29e Radioton de CKRL. Du 16 au 18 avril prochain, la radio et le disquaire indépendant vous proposent d'investir dans la diversité musicale au son des artistes d'ici. 3 jours de fête portés par une programmation spéciale et une foule d'activités pour toute la famille. Pour l'amour de la musique, CKRL et Sillon le disquaire vous invitent à investir votre radio. Salut, c'est Pépé. Je veux vous dire que la meilleure sauce à spaghetti de toute la grande région de Québec et de Portneuf, ben c'est moi qui a fait. Et dans le cadre du Radioton 2010 de CKRL, je vous mets au défi d'en faire une meilleure que la mienne. Je pense sincèrement que c'est impossible. Mais bon, apportez votre sauce à spag dans un contenant hermétique et la liste des ingrédients à CKRL au 405 3e Avenue avant le 13 avril. Le gagnant sera déterminé lors du dîner spaghetti du Radioton dimanche 18 avril. Venez voter pour la meilleure sauce au Café Nagua entre 12h30 et 14h.